La maison de repos des vétérans de guerre de la ville de Lassen vient d'être construite à merveille. Immeuble à un étage construite de façon originale sur un site pittoresque de la commune de Hawe du district de Sonbon, elle est dotée de tous les équipements de service comme chambre à coucher, salle de traitement médical et de sport, piscine couverte, etc. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 5 mars. Y ont pris part les cadres intéressés, le personnel de la maison de repos, les constructeurs et les habitants de la ville.